Thank you. travaille et ça vient. Et j'ai merdé, ça crisse, ça crisse. Pas la bonne bouée. Thank you. Thank you. Thank you.